vie de Élie. Na vita hivi sawa tutavitosha ndani ya maisha Elia. Élie n'est pas n'importe qui. Elia si mtu wa kawaida. Il est parmi les deux rares. Ni miongoni mwa watu wawili ambao. Qui n'ont pas vu la mort. Ambao hakuona kifo. Il a été enlevé. Alinyakuliwa kwenda mbinguni. Il n'est pas n'importe qui. Yeye si mtu wa kawaida. Et je crois qu'on peut lire, qu'on peut apprendre de sa vie. Na najua tunaweza kujifunza kufuatana na maisha yake. Nous serons dans trois chapitres. Tutakuwa ndani ya vipengele vitatu. Nous serons dans 1 roi chapitre 17. Tutakuwa ndani ya sura ya kitabu cha wafalme wa kwanza. 1 roi chapitre 18 et chapitre 19. Sura ya 18 na sura ya 19. C'est là que nous allons être jusqu'au dimanche. Na ni ndani ya sura hizo ambao tutakuwa hadi siku ya Mungu. Et c'est là que nous allons retrouver les 7 batailles. Na ni hapo ndipo tutapata hivi vita 7. En réalité, il y a plus que 7 batailles. Kwa ukweli kuna zidi ya vita 7. Et nous allons nous arrêter à 7. Lakini sisi tutaishia kwa vita hivi 7. Si Dieu nous fait la grâce. Kama Mungu anatuneemisha. Voici les 7 combats que nous allons lire dans la vie de Élie. Tazama hivi vita 7 ambavyo tutaona ndani ya maisha Elia. Le premier combat, je l'appelle le combat de divinité. Vita vya kwanza naita vita vya miungu. Ne vous dérangez pas beaucoup pour la sémantique ou les termes que je peux utiliser. Mais c'est plus le contenu. Le combat des divinités. Vita vya miungu. Le deuxième, ce sera le combat de la transition. Ya pili itakuwa ni vita vya mpito. Le troisième combat, ce sera le combat de décalage, na de vita, différence. Na vita vya tatu itakuwa ni vita vya utofauti ama vya kuchelewa. Le quatrième combat, ce sera le combat des autels. Na vita vya nne itakuwa ni vita vya madhabahu. Le cinquième combat, ce sera le combat de Jézabel. Vita vya tano itakuwa ni vita vya Yezebeli. Je vais parler de l'esprit de Jézabel. Nitazungumzia roho ya Yezebeli. Parce que depuis qu'elle est morte, sababu tangu alikufa, des années plus tard, miaka kisa yake, Dieu parle que l'esprit de Jézabel est dans l'église. Mungu anazungumza ya kwamba roho ya Yezebeli iko kanisani. Ce n'est plus une reine, c'est tout un esprit. Haiko tu malkia lakini anageuka kuwa roho. Et la sixième bataille, je vais parler de la bataille de localisation ou de délocalisation. Na vita vya sita nitazungumzia vita vya mahali. Et le dernier combat, je vais parler du combat de transfert. Na vita vya mwisho nitazungumzia vita vya uhamisho. Nous allons trouver cet enseignement entre 1 roi 17 et 19. Tutakuta mafundisho haya kati ya kitabu cha wafalme wa kwanza 17 na 19. Sans perdre le temps, commençons le premier combat. Bila kupoteza wakati tuanze vita vya kwanza. Le combat des divinités. Vita vya miungu. Nous avons trois textes. Tuna andiko tatu. Psaume chapitre 1er, le premier jusqu'au troisième verset, notre verset de base. Zaburi sura moja, moja hadi tatu, neno letu la msingi. Est-ce qu'on peut y aller par cœur? Je tunaweza kuisema bila kusoma. 1, 2, 3. Twende. Il est comme. J'ai dit par cœur, je n'ai pas dit de lire au tableau. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Deuxième texte, 1 roi 17:1. La Bible dit ceci. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad. Elia mtisiba moja wa wakaaji wa Galadi. Dia Akab. Akamwambia Ahabu. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël. Kama vile Yahweh Mungu wa Israeli anaishi. Dont je suis le serviteur. Ambaye mimi ni mtumishi wake. Il y aura ces années-ci ni rosée ni pluie sinon à ma parole. Hakutakuwa umande ama mvua miaka hii isipokuwa kwa amri yangu. Il y aura ni rosée ni pluie. Hakutakuwa umande ama mvua. Sinon à ma parole. Kama sio amri yangu. Et le dernier texte c'est dans le livre de Exode 12:12. Na andiko la mwisho ni ndani ya kitabu cha Kutoka 12:12. Exode chapitre 12. Kutoka le verset 12. 12:12. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi. Cette nuit-là, usikule, je passerai nitapita dans le pays de l'Égypte. Kwenye nchi ya Misri. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Na nitawaua wazaliwa wote wa kwanza wa Depuis Misri. Les hommes jusqu'aux animaux. Kutokea wanadamu hadi kwenye nyama. Et j'exercerai mes jugements contre les dieux de l'Égypte. Na nitaonyesha hukumu zangu kwenye miungu ya Misri. Je suis l'Éternel. Mimi ni Bwana Mungu. Que Dieu bénisse cette parole. Mungu alibariki neno hili. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Je tunaweza kushangilia neno. Le combat des divinités. Vita vya miungu. Nous avons le prophète Élie. Tuna nabii Elia. Élie. Elia. On commence son histoire là même, au chapitre 17. Historia yake inaanzia kwenye sura ya 17. On ne nous parle pas de son église. Hawatuzungumzie kanisa lake. On ne nous parle pas de son pasteur ou de son prophète, de son père spirituel. Mchungaji wake ama baba wake wa kiroho. On ne nous parle pas de ses parents. Hawatuzungumzie wazazi wake. On ne nous parle pas de ses frères. Hawatuzungumzie ndugu zake. On nous parle de quelqu'un qui surgit. Mtu ambaye anatokea hapo hapo. Élie le Tishbite. Elia Mtisiba. Habitant de Galade. Aliyekuwa kishi ndani ya nchi ya Gileadi. Quand on voit l'habitant de Galade en question. Unapoona umkaaji wa Gileadi. On cherche Galade à l'époque là. Wanatafuta Gileadi kwa muda huo. C'était une petite cité sans importance. Ilikuwa ni mji mdogo ambao ulikuwa hauna maana. On a même du mal à localiser cela. Hawezi kupata hata mahali ambapo ilikuwa. C'est comme si l'homme de Dieu vient de nulle part. Inawezekana mtumishi wa Mungu anatokea mahali ambapo hakujulikani. En tout cas, l'endroit où on est en train de le localiser, c'est comme Nazareth, quelque chose d'insignifiant. Mahali ambapo wanasema anatokea ni kitu ambacho hakina maana. Mais c'est l'homme qui va terrifier le roi. Lakini ni mtu atakayemogopesha mfalme. C'est l'homme qui va bouger tout le royaume. Ni mtu atakayetikisa ufalme nzima. C'est l'homme qui va bouger tout les grands du royaume. Ni mtu atakayetikisa wakubwa wote ndani ya mfalme. Voire même le royaume voisin. Hata na falme zilizokuwa zinazunguka. Parce que le roi Akab, sababu mfalme Ahabu, quand il se mettra à chercher Élie, atakapotafuta Elia. La Bible dit qu'il a fait jurer aux autres rois. Biblia nasema ya kwamba aliapisha wafalme wengine. Si quelqu'un cache Élie. Ya kwamba kama mtu anamficha Elia. Il y aura guerre entre mon royaume et son royaume. Kutakuwa vita kati ya ufalme wangu na ufalme wake. Qui est cet homme? Huyo mtu ni nani? Qui terrifie le royaume? Ambana wagopesha mafalme. Et pourquoi il s'est manifesté? Na sababu gani aliweza kuonekana? Et il a dit ce show. Na akasema mambo haya. Il vient de nulle part. Anatokea mahali kusikojulikana. Il n'a pas d'adresse. Hana anwani. Mais il a le message de celui qui a l'adresse. Lakini ana ujumbe ya ule anayekuwa na anwani. L'important dans la vie n'est pas d'avoir une histoire. Ya mafanda ni ya maisha si kuwa na historia. L'important dans la vie c'est d'avoir celui qui fait l'histoire. Ya mafanda kuwa na ule anayefanya historia. Alléluia. Amen. Parce que tu peux faire l'histoire. Mano naweza kufanya historia. Et ça peut s'effacer. Na inaweza kuvutwa. Mais quand tu as celui qui est le faiseur de l'histoire. Lakini unapokuwa na mwenye kufanya historia. Ton histoire va demeurer. Historia yako itadumu. Même après toi. Lakini kisa wewe. Cette histoire sera vraie. Hii historia itaendelea kuwa kweli. Et ça va t'accompagner jusque dans l'éternité. Na itakusindikiza hata ndani ya umilele. Alléluia. Amina. Qu'est-ce que ça signifie? La bataille de divinité. Inamaanisha nini vita vya miungu? Avant de revenir sur ce que c'est Élie. Mbele ya kurudilia niseme juu Elia ni nani? Qu'est-ce que c'est le combat de divinité? Ni nini vita vya miungu? Nous sommes dans un moment de la compréhension d'une promesse. Ya kuelewa ahadi. Dieu dit, Mungu anasema, celui qui marche selon mes voies. Atakayetembea kufuatana na njia zangu. Il fera tout et il réussira. Atafanya yote na atafanikiwa. Il est heureux. Yeye ni mwenye heri. L'homme qui marche selon mes voies. Mtu anayetembea kufuatana na njia zangu. Qui ne s'assied pas accompagné de moqueurs. Asiyekaa miongoni mwa wenye kuzihaki. Tout ce qu'il va faire. Yote atakayoifanya. Il va réussir. Inafanikiwa. Il y a une déclaration que notre pasteur a faite. Kuna matamko ya kinabii ambayo mchungaji wetu alifanya. Très fort. Ambao ni yenye nguvu sana. Il dit la réussite dont je vous parle. Anasema mafanikio ninayowazungumzia. Ça ne sera pas un cadeau sur un plat. Haitakuwa kama zawadi kwenye sahani. Il y a une part de responsabilité. Kuna sehemu ya jukumu. Petite soit-elle. Hata ikuwe ndogo. Qui vient faire que la grâce soit grâce. Ambayo inakuja kufanya neema iwe neema. La grâce elle est disponible. Neema iko tayari. Mais il y a une petite volonté. Lakini kuna utashi mdogo. Une petite bonne volonté utashi mdogo ambao ni mzuri qui nous introduit dans la grâce ambao unatuingiza ndani ya neema et qui nous permet de jouir de cette grâce ambayo inatuwezesha tuende kufaidia neema hiyo et je suis en train de dire ceci na niko nasema hivi qui a une part de responsabilité ya kwamba kuna sehemu ya jukumu que j'appelle la bataille le combat ninayoiita vita que nous devons mener ambao tunapaswa kuvipiga pour que la grâce soit grâce dans notre neema, vie. Neema maishani mwetu. Sinon ça peut rester de l'histoire. Kama sivyo naweza kubaki kama historia. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois te battre. Ambia aliye pembeni yako napaswa kupambana. Il y a des victoires que nous n'allons pas ramasser sur le plan. Kuna ushindi ambao hatutaokota kama kwenye sahani. Nous devons nous battre. Tunapaswa kupambana. Jésus s'est battu. Yesu Kristo yeye mwenyewe alipambana. Paul s'est battu. Paulo alipambana. Mardoché s'est battu. Mordekai akapigana. David s'est battu. Daudi yeye mwenyewe alipambana. Tous ceux qui ont fait l'histoire se sont battus. Wote waliofanya historia walipambana. Amen. Amina. Qu'est-ce que ça signifie? Inamaanisha nini? Tu vas rencontrer cette bataille sur ton chemin. Utakuta vita saba kwenye njia yako. Si tu dois réussir, kama unapaswa kufaulu, il faudra défier les divinités. Inaomba uende ukashinde miungu. Qu'est-ce que j'appelle divinité? Ninaita nini miungu? La Bible dit tout ce qui est élevé. Biblia nasema yote yanayoinuka. C'est une abomination devant l'Éternel. Ni machukizo mbele ya Bwana. Tout ce qui est élevé yote inayoinuliwa est une abomination à l'Éternel. Ni machukizo kwa Bwana. Dans le livre de Ésaïe 42, ndani ya kitabu cha Isaya 42, le verset 8, shaili lake la 8, la Bible nous dit, Biblia inatuambia ya kwamba, Dieu ne partage pas sa gloire. Ya kwamba Mungu achangie utukufu wake. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Dieu ne partage pas sa gloire. Mungu achangie utukufu wake. Il peut partager avec ses serviteurs les offrandes. Anaweza kuchangia pamoja na watumishi wake sadaka. Il peut partager l'argent. Anaweza kuchangia pesa. Alléluia. Amina. Mais pas la gloire. Lakini utukufu hapana. Aide-moi à dire à celui qui est à côté de toi. Unisaidie umwambie aliye pembeni yako. Mange tout dans la maison de Dieu sauf la gloire. Ukule yote ndani ya nyumba ya Bwana lakini hapana utukufu. Dis-lui, ça c'est la mort. Umwambie hiyo ni kifo. Dis-lui, ça c'est la mort et je ne veux pas te voir mourir. Umwambie hiyo ni kifo na sipendi ni kuone kifa. Tu dois réussir sans mourir. Unapaswa fanikiwa bila kufa. Alléluia. Amina. Il faut pas mourir avant le temps. Hayombo ufe mbele ya wakati. Dieu, Mungu, nous laisse tout. Anatuachia yote. Les vestes c'est pour nous. Masuti ni zetu. Les voitures c'est pour nous. Magari ni zetu. Les belles maisons c'est pour nous. Nyumba nzuri ni si zetu. Si Dieu te donne ça, allez, mange ça, c'est Mungu bon. Akikupatia kula ufurahi. Les voyages c'est pour nous. Safari ni zetu. Mais la gloire. Lakini utukufu. C'est pour nous. Ni ya Mungu yeye mwenyewe. C'est ça la bataille des divinités. Hii ndio vita pamoja na miungu. Seras-tu prêt à renoncer à la gloire que Dieu va te donner à réussir? Je utaweza kuacha utukufu wakati Mungu atakufanikisha. Dieu m'a envoyé pour nous dire. Mungu alinituma niliwaambie. Dis à mon peuple. Waambie taifa langu. Je suis prêt. Niko tayari. Et je ne renoncerai pas à mes promesses. Na sitakataa kutimiza ahadi zangu. Je vais les élever. Nitawainua. Mais je tuerai tout celui qui prendra ma gloire. Lakini nitaua yeyote atakayechukua utukufu wangu. J'ai entendu clairement cette voix. Nilisikia waziwazi hii sauti ikinijia. Je tuerai quiconque prendra ma gloire. Nitaua yeyote atakayechukua utukufu wangu. Je tuerai quiconque prendra ma gloire. Nitamua yeyote atakayechukua utukufu wangu. Je suis en alliance avec vous. Niko ndani ya agano pamoja nanyi. Je vais accomplir ma part. Nitatimiza neno langu. Mais allez loin de ma gloire. Lakini endeni mbali na utukufu wangu. Mbaki mbali na utukufu wangu. Je vais réussir. Nitafanikiwa. Tu vas réussir. Utafanikiwa. Mais quel sera ton cœur? Lakini nini itakuwa moyo wako? Voyez, c'est facile pour moi. Unajua ni rahisi kwangu. En tant que prédicateur, kama vile mhubiri, de demander l'onction de ressusciter le mort. Niombe upako wa kuwafufua wafu. Quand je suis dans cette prière là, napokuwa ndani ya maombi hayo, je sens la gloire. Nasikia utukufu. Je dis à lève-toi et marche. Nasema simama na utembee. Et les boiteux s'élèvent. Na ule kilema mlemavu anasimama. Et les morts ressuscitent. Na wafu wanafufuliwa. C'est beau. Si vizuri. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ces moments dans mon cœur? Lakini nini napitikana moyoni mwangu kwa wakati huu? Alléluia. Amen. Tu fermes les yeux. Unafunga macho. Tu vois Arche atteindre la grande route là-bas. Unaona kanisa hili likifikia kwenye barabara kuu. Et peut-être on a chassé même l'office des routes. Na tukafukuza hata office des routes. Et tu essaies de voir. Na unaona une grande chaîne de télévision. Unaona kuwa mtandao mkubwa wa television. Que c'est beau. Ah, ni vizuri. Mais est-ce que j'ai vu aussi mon cœur devant ça, dans ça? Je naona roho yangu ndani ya hii. Qu'est-ce que je deviens? Na kuwa nani? Tu es piéton. Unatembelea miguu. Et Dieu dit, tu réussis mon fils. Na Mungu anasema unafanikiwa. Tu réussis ma fille. Unafanikiwa binti wangu. Et voilà. Natazama. Tu es dans un Honda. Unaanza kutembelea gari Honda. Tu as une voiture de $200,000. Una gari ya dola 1,200. Natembea vizuri. Y a pas de bruit. Hakuna fujo. Alors tout à coup, na hapo hapo kwa ghafla, ton cœur ne sera pas le même. Moyo wako hautakuwa ule ule. J'appelle quelqu'un aujourd'hui à prier. Na mwita mtu leo aombe. Tu vas simplement dire à Dieu. Utamwambia tu Mungu. Seigneur, je crois. Bwana naamini. À toutes les promesses qui nous ont été données. Kwa zote ambazo zimepewa kwa Yesu. Je crois que je vais réussir. Naamini nitafanikiwa. Mais je prie pour mon cœur. Lakini naiombea moyo wangu. Je prie pour mon cœur. Naombea moyo wangu. Eric, prions pour notre cœur. Les miracles seront là. Miujiza zitafika. J'ai déjà fait des ratés, je vous ai toujours dit. Nimeshawaambia kwamba nimesha kupoteza. Je n'abandonnerai pas cette bataille. Na sitaacha vita hivi. Je vais continuer. Nitaendelea tu. Je vous ai dit autrefois. Niliwaambia mara ngine. Une sœur m'a appelé la fois passée. Dada moja aliniita wakati uliopita. C'est dans le quartier ici. Ilikuwa ndani ya eneo hapa. Viens prier pour ma grand-mère qui est en train de mourir. Je suis venu, je priais. Quand je suis entré, toute la famille était contente. On dit non, c'est lui qu'on appelait sur téléphone, il vient d'entrer. Et toute la famille était là. L'homme de Dieu est venu. Et moi-même, je sentais que c'est l'homme de Dieu qui vient. Na mimi mwenyewe nilisikia hakika ni mtumishi wa Mungu ambaye amefika. J'ai parlé. Nilizungumza. J'ai dit Seigneur, tu es Dieu. Nikasema Bwana wewe ni Mungu. Tu honores la voix. Na wewe unaheshimisha. Et ceux qui te cherchent. Sauti ya wanaokutafuta. Voilà toute la famille. Tazama jamaa yote. Qui croit à toi. Ambao inakutumainia. Je te représente ici. Na mimi nakuwakilisha mahali hapa. Je parle. Nasungumza. Je prie. Naomba. Je déclare. Naanza kutamka. Dis amen. Amina. On s'appelle dans quelques heures. Vous tunaitana kwa masaa madogo. Je sortais de la parcelle. Na nilipoondoka ndani ya kiwanja. Kilio. Je rentre. Narudi. La sœur vient, elle pleure. Nana nakuja na lina. Et le pasteur venait dire à ma grand-mère d'aller. Aende kwa salama eh. Alikuwa kumwambia aende mzuri. Ole pastor Reveni dedi mama madale ampe. Ça ce n'est pas une bonne façon de pleurer. Je fuis ya kuomba nakimbia hapo. J'ai dit au frère avec qui on était. Na ndugu tuliyokuwa naye, ndugu. On va revenir après. Tutarudi nyuma twende kwanza. Je suis arrivé quelque part d'autre. Na nikafika nafasi nyingine. Il y avait quelqu'un qui venait de mourir. Kulikuwa mtu ambaye alikuwa serviteur de Dieu. Ambaye alikuwa mtu. Tous ensemble disaient non, c'est pas possible. Na sisi sote tulikuwa tunasema haiwezekani mtu kama na huu akufe. Pris de l'eau, la laver le visage. Tukakamata maji tukamnawisha uso wake. Déclaration, oh Lord, fais même avaler les morts, namkunyisha hata kidogo. Unamkunyisha hata maji. 30 minutes après, je ne voyais pas de signe. J'ai dit que c'est ça ne va pas. Il y a quatre braves qui ont dit non, non, nous on reste. Moi, je crois que ça ne marche pas. Nikasema, avika mimi na amini, mambo hayataendeka. Bien aimé. Mpendo. Il y a au moins trois morts comme ça. Kuna wafu tatu kama hawa. Mais je vais continuer à prier. Lakini itaendelea tu. Parce qu'un jour vous apprendrez que quelqu'un est ressuscité. Sababu siku moja je crois, je vous dis la vérité. Quelqu'un ressuscitera un jour. Nawaambia kuna mtu atafufuka siku moja. Mais il y a des ratés sur le chemin. Lakini kuna kupoteza kwenye njia. Swata, swata huko na kule. Je crois à la réussite. N'amini kwa mafanikio. Je crois à la gloire. N'amini kwa je crois à la puissance. N'amini kwa je uwezo. Crois à l'alliance. N'amini kwa je jana. Crois à bâtir fort pour la mission. Je crois. Et on le verra. Na tutaiona. On le vivra. Tutaiishi. Mais je ne sais pas ce que sera mon cœur. Lakini sijui nini takuwa moyo wangu. C'est pourquoi je dois faire des prières d'avance. Ndio maana napaswa kufanya maombi mbeleni. Je connais déjà ce que c'est la honte quand on a prié, ça n'a pas marché. Sans aviser, ça je sais déjà. Mais je ne sais pas quand il ressuscitera. Je ne sais pas si je resterai là. Lakini sijua kati atakapofufuka ni kama nitabaki hapo nikiendelea kuomba ni bénisse le Seigneur. Mubariki Bwana. Je ne sais pas si je serai en train de dire l'homme de Dieu. Vous ne le saviez pas. Je ne sais kama nitakuwa nikasema mtumishi wa Mungu mlikuwa hamjui hiyo. Demande à celui qui est à côté de toi. Quand Dieu va exaucer cette requête-là, uliza naye kwa pembeni yako. Mungu quel sera l'état de ton cœur? Ni nini itakuwa hali ya moyo wako? Acclame très fort le Seigneur et nous décollons. Buwana, nous entrons dans l'enseignement ce soir. Tunaenda ndani ya mafundisho magharibi ya leo. Il est question de mon cœur. Ni swali la moyo wangu. D'abord, kwanza, quand je réussis, ninapofanikiwa, je peux être moi-même une divinité. Naweza kuwa mimi mwenyewe kuwa miungu. Il y a des gens qui ont été transformés à Dieu parce qu'ils ont réussi. Kuna watu ambao walijibadilisha kuwa miungu sababu walifanikiwa. Il faut réussir cette bataille. Inaomba ushinde. Reste humble. Ubaki mwaminifu. Reste humain. Ubaki mnyenyekevu. Reste comme tu as été. Ubaki kama ulivyokuwa. Ne perds pas le caractère qui t'a élevé. Usipoteze tabia iliyokuinua. Ne perds pas la douceur qui t'a élevé. Usipoteze upole uliokuinua. Ne perds pas les amis avec qui Dieu t'a élevé. Usipoteze warafiki ambao pamoja nao Mungu alikuinua. Le deuxième niveau de la divinité. Ngazi ya pili ya hii miungu. C'est par rapport à la gloire de Dieu que nous devons lui laisser. En fait, il ne partage pas sa gloire. Et quand Dieu élève, on doit lui laisser sa gloire. Mais en dehors de nous, il y a le diable qui s'approprie la gloire de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a le diable qui s'approprie la gloire de Dieu. Il y a des démons qui s'approprient la gloire de Dieu. Et Dieu dit aux assois et assois qui sont dans les tournants des saisons. Il dit, je cherche une armée de hommes et de femmes qui vont me rétablir sur mon trône, qui vont sanctifier mon nom. Le combat des divinités, se ramener Dieu sur son trône dans nos familles, dans nos sociétés, dans notre nation, dans la science, avant la fin de cet enseignement, quelqu'un verra clairement où est-ce que Dieu l'appelle pour aller le rétablir. J'aimerais qu'avant la fin de l'enseignement, tu sentes et tu vois clairement le domaine dans lequel tu vas exercer ton appel au point que les hommes vont dire Dieu existe. Il y a des domaines qui ont été laissés pour compte. Et on sait que ces domaines, c'est pour les occultistes. Ces domaines, c'est pour les sorciers. Ce soir, Dieu va équiper un assaut. Un assaut. Et il va te déployer dans la zone. On n'aura pas besoin de connaître d'où tu viens. Hawataweza kujua umetokea wapi. Mais tout ce que le saura, c'est que tu t'es tenu pendant ces mois devant l'Éternel. Et tu viendras devant Akab pour dire, Baal règne dans ce royaume. Mais moi je suis serviteur de Dieu. Tant que Dieu est dans les ciels, on doit savoir que ce n'est pas Baal qui est Dieu, mais qu'il y a l'Éternel qui est Dieu. Et tu vas le faire. Je ne suis pas en train de te demander d'aller avec la Bible. Je ne suis pas en train de te demander d'avoir des banderoles. Je te demande d'avoir Dieu en toi, de le refléter par le caractère, de le refléter par la transformation et d'implémenter la vision de Dieu là où tu te mets. On voit Dieu et le peuple dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne de Dieu doit venir. Le nom de Dieu doit être sanctifié. S'il y a quelqu'un qui te regarde, on est en train de dire, où est ton Dieu? C'est que le nom de Dieu est méprisé. Et cette campagne ici, c'est pour que ceux qui ont cru que Dieu n'est pas vrai voient qu'il est vrai. Ce sont la sanctification du nom de l'Éternel. Je suis en train de voir quelqu'un qui a le cancer. Je vois clairement quelqu'un qui a des reins. Un problème de reins. Rentrez avec le résultat. Et voir le médecin. Et le médecin dit, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, je vois deux tableaux clairs et séparés. Un tableau très noir. Où il y a même de moi. Je suis en train de voir 14 mois. Où la mort était sûre et certaine. Et le médecin le sait. Et quand tu lui ramènes le même rein, il voit comme un rein de bébé. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de dire ceci. Quand cela va arriver, ne tombe pas dans l'erreur d'Ézéchias. Parce que Ézéchias avait la maladie qui a mené à la mort. La maladie qui a mené à la mort. Dieu lui a dit, je te guérirai. Il dit, comment je vais le reconnaître? Oh mon Dieu. Il dit, le soleil. Il dit, il y aura le degré d'Akaz. C'était comme ça. Le degré d'Akaz, il y avait comme un poteau. Et il y avait des degrés. Et le soleil s'est levé. Le rythme du soleil reflétait l'ombre sur les degrés. Et c'est comme ça que c'était la montre de l'époque. Et l'ombre en réalité avance. Et il a dit, moi, pour reconnaître que Dieu m'a visité, que l'ombre recule de 10 degrés. Pourquoi 10 degrés? Parce que le 10, c'est le chiffre de la loi. La loi, c'est ce qui dit, il faut faire ceci pour mériter ceci. La loi dit, celui qui pratique vivra par la loi. Celui qui ne pratique pas mourra. Ézéchias demande le contraire. Si je devais vivre à cause de ce que je fais, si je devais vivre à cause de mes mérites, là je demande la vie. Que la loi recule. Là il était en train de demander la grâce. Là il était en train de dire, Seigneur, que ce que je ne mérite pas, je l'ai. Que j'obtienne le sens contraire. Que j'obtienne ce que la nature ne peut pas me donner. Que j'obtienne ce que les hommes ne peuvent pas me donner. Et l'ombre a reculé. kivuli karudi. Et il a été guéri. Na kaponyeshwa. Et Dieu lui a envoyé les ambassadeurs. Na Mungu akamtumia wakilishi. De Babylone. Wa Babylone. Quand ils sont arrivés, walipofika, il a présenté ses albums de mariage. Akaanza kuonyesha album za ndoa yake. Il a présenté ses armes. Akaanza kuonyesha son argent. Akaonyesha sa richesse. Akaonyesha utajiri wake. Et Dieu était énervé. Na Mungu alikasirika. Il dit toi. Nasema wewe. Je t'ai guéri. Si nimekuponya. Pour que tu parles de moi. Ili sasa unizungumzie. Ton miracle là. Muujiza yako ile. Je n'ai pas besoin que tu vives. Sina haja uishi. J'ai besoin que ta vie reflète ma gloire. Et si ta vie ne peut pas révéler ma gloire, ta mort c'est mieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que Dieu gagne dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu gagne dans mes diplômes? Qu'est-ce que Dieu gagne dans mes moustaches? Qu'est-ce que Dieu gagne dans ta beauté? Qu'est-ce que Dieu gagne dans ta voiture? Qu'est-ce que Dieu gagne dans mon ministère? Qu'est-ce que Dieu gagne? Qu'est-ce que Dieu gagne? Si Dieu ne peut pas gagner quelque chose dans ta vie, tu es mort. Si ta vie ne peut pas donner gloire à Dieu, tu es mort. Il n'y a aucune raison que je reste vivant. Si je ne loue pas l'Éternel, la Bible déclare que ceux qui respirent louent l'Éternel. La raison de vivre, c'est quand la louange peut sortir de ma bouche. La raison de mon ministère, c'est quand Dieu peut retrouver son trône dans le cœur des hommes et des femmes. Si par mon message, Dieu ne règne pas dans le cœur des hommes, ça n'a pas d'importance mon ministère. Même si je voyage le monde entier, même si je construis sur le lac Kivu, si kama mon pastoral uchungaji wangu ne lève pas Dieu haimuinue Mungu dans le cœur des hommes, ndani ya mioyo ya watu, je suis le plus malheureux. Mimi ni mwenye ole. Que tout ce qui respire yote anayepumzi loue l'Éternel. Msifu Bwana. Y a-t-il une louange dans ta vie? S'il n'y a pas la louange dans ta vie, le bois est important que toi. Parce que les arbres le matin se lèvent et louent le Seigneur. Les oiseaux se lèvent et chantent la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu gagne dans ton existence? Qu'est-ce que Dieu gagne dans mon existence? Il dit à Ézéchias, j'ai amené ces gens pour que tu le témoignes que moi, je t'ai guéri. En d'autres termes, chaque miracle que Dieu fait dans notre vie contient l'intérêt de Dieu. Si ton mariage ne peut pas donner gloire à Dieu, ton célibat vaut mieux. Si ton travail ne peut pas glorifier Dieu, le chômage vaut mieux. Je suis venu ce soir nous dire que Dieu est à la recherche de sa gloire. Dieu vous exaucera. Laissez-moi parler comme Joseph. Je sais que Dieu vous visitera. Dieu vous visitera. Prends la main de celui qui est à côté de toi. Dis-lui, Dieu va te visiter. Dis-lui, tu ne sortiras pas de ce tournant comme tu es entré. Mais n'oublie pas de lui donner la gloire. Dieu nous visitera. Et il est en train de nous visiter. Mais il a un intérêt. Il y a un intérêt de Dieu dans tout ce que je suis. Il y a un intérêt de Dieu dans tout ce qu'il peut faire dans ta vie, dans ma vie, dans son église. Il veut gagner quelque chose. Il veut gagner la gloire. Il veut rentrer sur son trône. Il veut que son nom soit sanctifié. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont morts. Tu n'es pas meilleur que ceux qui sont morts. Tu le sais bien. À Gabiru, il y a des gens qui parlent bien français que nous. Il y a des gens qui ont prêché mieux que nous. Il y a des gens qui avaient le pouvoir plus que nous. Ils ont eu l'autorité dans ce pays. Mais pourquoi moi je suis encore vivant? Pourquoi toi tu es encore vivant? C'est parce que Dieu veut qu'au travers ce qu'il va faire dans ta vie, que son nom soit sanctifié. Je prie que le miracle qui va arriver prochainement dans ta vie remette Dieu sur son trône. Je prie que le miracle que Dieu va t'accorder remette Dieu sur sa place, là où on l'a méprisé, à cause de ce qu'il va faire pour toi. L'on reconnaîtra qu'il est Dieu, qu'elle le dise. C'est l'Éternel qui est Dieu. Je demande un miracle à Dieu. Le miracle, le troisième signe. Le troisième signe de Moïse. Quand Moïse, il a jeté le serpent, le bâton qui est devenu serpent. Le magicien a fait la même chose. Même si les sorciers ont reproduit les serpents, même si le serpent de Moïse a avalé leurs serpents, nulle part dans la Bible les sorciers de Pharaon ont regretté leurs serpents, parce qu'ils savaient la formule pour le refaire. C'était un miracle, mais un miracle semblable. Il est allé vers la mer. Il a changé l'eau à sang. Pharaon voulait trembler. Les magiciens ont dit calme. Ils ont reproduit. Ils ont dit ça, on peut faire. Moïse, c'est notre disciple, on l'a formé, il n'y a rien de Dieu. Mais il y avait un troisième signe. Je demande ce signe. Je prie que Dieu te donne ce signe. Dieu dit à Moïse, va, wende, prends la poussière, jette, tupa hewani, là où sera qui donne la vie. Na hapo watajua nani anayetoa uzima. Moïse a sui. Musa kachukua. Mwaki. Na katupa ndani ya anga. Et on voit la poussière qui devient des petites bêtes. Les magiciens ont dit na wafumu wakasema. Ça s'appelle le doigt de l'Éternel. Ça, la magie ne peut pas imiter. Ça, la science ne peut pas donner. Ça, hey, ça ne vient pas de l'expérience. Okay. C'est ce que je demande à ta vie pendant ce tournant. Que le doigt de l'Éternel se révèle dans ta vie. Le doigt de Yahweh, le doigt de Jéhovah, le doigt de Hamashiach. Il y a des mariages semblables. Il y a des voitures semblables. Il y a des miracles semblables. Mais il y a des choses que Dieu couvre par sa gloire. Et on voit que l'homme, il a reçu, ça ne vient pas de ses diplômes. Ça, c'est Dieu. Quand Dieu fait ça, là Dieu est en train de reprendre son trône devant Pharaon. Iko na kamata kiti chake cha enzi mbele ya Farao. Na fandi. Na najikali yake. Ça fait longtemps que ces sorciers ont parlé. Imefanya siku nyingi hao wachao wamezungumza zungumza. Mais là, ils reconnaissent le doigt. Na sasa hapa wanajua. ya kwamba hiki ni kidole cha Mungu. Dia celui qui est à côté de toi. Ambia naye kuwa pembeni yako. Monte. Panda. Tu as demandé longtemps le mariage. Il y a beaucoup de mariages dans la ville. Monte. Umeomba siku nyingi ndoa. Kuna ndoa nyingi lakini upande. Si tu auras un mariage. Kama utapata ndoa. Que ça soit un mariage que les gens regardent. Ikuwa ndoa ambayo watu wanaona. Dis quoi? Hey. Quoi? Nini? Ça. Hey. C'est Dieu. Ni Mungu. J'appelle le travail. Naomba kazi. Quand on va regarder, wanapona. On regarde le poste. Wanangalia kazi cheo. Ministre des Affaires étrangères. Waziri wa mambo ya nje. On dit, regardons les CV. Ase tuangalia mahali alipotumikia. Agronome aichwi. Alijifunzia ulimaji ichwi. Que Dieu te donne le nom de Jésus. Alléluia, clame devant le Seigneur. Reçois cette grâce-là. Pokea ile neema. Orianda la brosa rabasha. Amen. Dieu est à campagne. Mungu iko ndani ya kampeni. Dans ce moment, ndani ya wakati huu, il veut équiper les employés. Awapatie wanamemba ili wafanikiwe. Pas pour étonner les gens. Hapana kwa kuwashangaza watu. Pas pour étonner les shangaa. Hapana kwa kuwashangaza washangaza. N'a pas besoin de ces bénédictions là. Mungu hana haja ya baraka kama hizo. Quand tu es bien habillé, wakati umevaa vizuri, tu vas aller saluer les gens le matin avant d'aller à l'église. Unaenda kuwasalimu watu kwa asubuhi bila vêtements de $30. Non, ça non. Unapenda onyeshe mavazi yako ya celui qui est à côté de toi, passa. Passa. Dieu est en train de préparer les hommes et les femmes à réussir. Quelle sorte de réussite? La réussite qui les remet à son trône. La réussite qui les ramène à sa gloire. Si quelqu'un est candidat à cette réussite, il pousse un cri de joie parce que tu vas réussir. Tu vas élever Dieu. Rema gloria baba robo shaya. Rika brasanda la brosa. Une réussite. Pas comme la réussite qui est donnée par le diplôme. Pas comme la réussite qui est donnée par la tribu. Pas comme la réussite qui est donnée par l'expérience. Quand tu auras cette réussite, le voisin découvrira Dieu. Le monde saura qu'il y a un Dieu. Reçois cette bénédiction dans le nom de Jésus. Quelques vérités fondamentales, quatre vérités. Première vérité. Le vrai miracle dans la vie de l'homme sanctifie le nom de l'Éternel et restaure son règne parmi les hommes. Celui qui a bien réussi, c'est celui qui, par sa réussite, ni ule ambaye kupitia mafanikio yake, Dieu retrouve sa place. Mungu anapata nafasi yake. Je refuse les bénédictions qui chassent Dieu de nos maisons. Nakataa hizi baraka zinazomfukuza Mungu nyumbani mwetu. Je refuse les bénédictions qui chassent la fidélité dans nos maisons. Nakataa hizi baraka ambazo zinafukuza uaminifu nyumbani mwetu. Hii si kwa wanamemba kanisa. Nous demandons les bénédictions. Tunaomba baraka. Qui élève Dieu davantage. Ambazo zinamuinua Mungu tena zaidi. Qui élève l'unité davantage. Ambayo inainua umoja tena zaidi. Pas la bénédiction qui sépare les hommes. Hapana baraka zinazowatenganisha wanadamu. Deuxième vérité. Ukweli wa pili. Quand Dieu restaure son trône. Wakati Mungu amewekwa upya kwenye kiti chake cha enzi. L'homme retrouve sa destinée. Mwanadamu anapata hatima yake. Quand Dieu est élevé. Mungu anapoinuliwa. Nous retrouvons notre destinée. Tunapata maisha yetu ya kweli. Moïse. Musa. Il a perdu l'Égypte. Alipoteza Misri. Il est allé en mission. Na kaenda kwenye kazi. Mais la Bible dit dans Deutéronome 33, 4 à 5. Lakini Biblia nasema ndani ya kitabu cha kumbukumbu la Torati 33 mstari wa 5. Que Moïse était roi en Israël. Ya kwamba Musa alikuwa mfalme Israeli. La royauté qu'il a semblé perdre en Égypte. Ufalme ambayo alipoteza Misri. Il a retrouvé ça. Aliupata tena upya. À Dieu. Ndani ya Mungu. Quand nous élevons Dieu. Wakati tunamuinua Mungu. Nous retrouvons notre nom. Tunapata jina letu. Nous retrouvons notre mission. Tunapata kazi yetu. Troisième chose. Jambo la tatu. Plusieurs prières non exaucées. Maombi nyingi ambazo hazikujibiwa. Révèle. Zinafunua. L'égocentrisme. Uchoyo. Ah non. Ndani yetu. Parfois nous ne sommes pas exaucés. mara hatujibiwe. Parce que dans, no, dans ce que nous demandons, sababu ndani tunayoyomba, il n'y a pas la part de Dieu. Hakuna sehemu ya Mungu. Il n'y a pas la part de Dieu. Hakuna sehemu ya Mungu. Demande-toi. Ujiulize wewe mwenyewe. Qu'est-ce que Dieu va gagner dans cette bénédiction que tu lui demandes? Ni nini Mungu atapata ndani ya baraka unayomomba? Quelle est sa part? Sehemu yake ni nini? Alléluia. Amen. Quand notre papa dit prions pour la région ici. Wakati baba anasema tuombee hii jimbo hapa. Prions pour les églises ici. Tuombee kwa ajili ya makanisa hapa. Que le règne de Dieu vienne. Utawala wa Mungu uje. Voyez-vous cette vision là? Je mnaona hii maono? Dieu se retrouve. Mungu anapata sehemu yake. Quand Salomon dit. Wakati Salomon anasema. Seigneur, Bwana, je suis trop petit. Mimi ni mdogo sana. Je ne suis pas sage. Na mimi sina hekima. Je ne demande pas la sagesse. Siombe hekima. Pour étonner les gens. Ili niwashangaze watu. Mais il y a un héritage. Lakini kuna urithi. Qui doit être bien géré. Ambao unapaswa kuongozwa vizuri. Donne-moi la sagesse. Unipatie hekima. Pour bien gérer ton héritage. Ili niongoze vizuri. Dieu donne ça. Urithi wako. Na Mungu anaipana. Pourquoi il n'y a plus de miracles à l'église? Parce que quand je viens prêcher, je veux que les gens soient guéris pour aller les publier sur ma page Facebook. Je me suis étonné, mais je vois même la bassesse dans laquelle nous sommes arrivés. Imaginez que je suis à la prière, à la montagne. Et je me mets à genoux. Na napiga magoti. Et je donne mon téléphone à quelqu'un. Kisa nampatia simu mtu mwingine ili anipiche. Et je publie ça sur ma page. Kisa naitangaza kwenye Facebook. Est-ce que j'ai prié? Jaka kakika niliomba. Je cherche quoi? Natafuta nini? Il y a de l'égocentrisme. Kuna uchoyo. Si Dieu se retrouve dans ce que nous demandons, il va nous donner. Piégeons Dieu. Tumpime tu Mungu. Piégeons Dieu. Tumpime Mungu. Soyons comme Anne. Tukue kama Anna. Si tu me donnes un enfant garçon, je le jette dans ta maison. Mtoto ambaye ni kijana, moi, tout ce dont j'ai besoin, nayo tu itaji. C'est que le nom là de ne pas mettre au monde soit brisé. Ya, tu le mets dans mon ventre et tu le récupères. Uitie tu ndani ya tumbo langu le mtoto kisha nitakupatia tena. Qui va dire ça à Dieu? Nani atakayambia Mungu hii? Seigneur moi, Bwana mimi. Bon, je vais rester chômeur. Nitabaki sina kazi. Fais-moi seulement Soficom. L'argent entre, je fais sortir. Unipatie tu Soficom, pesa na ingia. Ne fiche voir quand même les billets que je vois et comment ça passe. Nipate tu pesa nione ngisi tu zinavyopita. Et tu vas voir que il y a une onction à la caisse. Na utaona kwamba kuna upako kwenye akiba. Vous touchez l'argent à tout moment, ça vous ressemble. Unapogusa pesa kila mara inakufanana. L'argent appelle l'argent. Na pesa inaita pesa zingine. Quelqu'un qui vient retirer il peut dire mais bon, prends les 5 là. Na mtu ambaye anakuja kuchukua pesa zake na mweza kuambia kamata ile dola toa. Les transferts sont en train de se faire. Na hii uhamisho wa pesa inafanyika. Accepte d'être la maison de transfert de fonds de Kubali Dieu. Ukue nyumba ya uhamisho wa pesa za Mungu. Mais quand tu dis Seigneur donne-moi l'argent. Lakini unapomwambia Bwana nipe pesa. On nous a méprisé. Wamenizarau. Faut qu'il sache. Inaomba wajue hakika. Qu'est-ce que Dieu gagne? Mungu anapata nini? Vous pensez que Dieu a le temps de venir vous venger vous là? Unawaza Mungu ana votre adresse n'est pas connue. Iko na wakati akuja kukulipizia kisasi. Anwani yako haijulikani. Même si là, quand vous êtes du Uno. Hata hapa ukiuliza wewe ni wapi? Quand vous arrivez à Karacholini. Sinono unapofika Karacholini unagunja. Même ton quartier n'est pas connu. Hata eneo yako haijulikani. Et tu veux que Dieu te donne une réponse pour te venger. Lakini unapenda Mungu akupatie jibu ili ujilipishie kisasi. Demande à Dieu. Omba Mungu. Quelque chose qui va l'évanger lui. Jambo ambayo yeye mwenyewe tamlipizia kisasi. Seigneur, on t'a méprisé pendant longtemps. Bwana wamekusarua muda mwingi. Comment on est en train de mépriser ton nom? Namna gani wanaweza kusarau jina lako hivi? C'est le secret de David. Hii ndio siri ya Daudi. David n'était pas fort. Daudi hakuwa na nguvu. Mais il a saisi ce principe. Lakini alichukua kanuni. Ili kie cette circonstance. Anasema huu asiyetahiriwa ni nani? Là il est en train de dire Seigneur. Hapa anasema Bwana. Enlève sa culotte là. Il n'est pas ondoa ile kinyasi yake undani hapo. Toi tu as dit tu marches avec les gens circoncis, tu vois? Si wao unasema unatembea na walio tairi. Tu vois l'homme qui entre dans injurier ton père. Sinona huyu mtu ambaye anachamba taifa lako. Un homme sans promesse. Ni mtu ambaye hana ahadi. Et il vient devant le roi. Il dit, moi j'irai me battre. Pas parce qu'on doit connaître que j'étais loin dans la maison de mon père. Je me battrai. Parce qu'il a injurié le Dieu vivant. Il a méprisé l'armée de l'Éternel. En fait, il est en train d'attirer Dieu dans le combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous arrivez, Ukifika, vous voulez manger l'argent de ceux qui sont des rivales. Unapenda kula pesa za wambanda. Vous pouvez même essayer ça si vous n'avez pas le transport. Vous allez avoir. Unaweza kupima hiyo kama hauna pesa za kulipa basi. Vous voyez seulement un rival. Unaona tumbanda. Ah. Unamwambia. Mais l'autre là. Si ule mwingine ule. Anataki tu, mais je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Est-ce qu'il peut même arriver à ta taille? Si anaweza fikia kwenye kimo yako. Il va te dire, mais il a dit quoi? Non, alisema nini? Hakuna kitu. Frère, est-ce que tu as le transport? Ndugu, je una pesa za kulipa basi? En fait, c'est ce que David essaie de faire. Nani, il dit, Daouda na pima kufanya. Il y a un petit là qui commence à parler de toi, tu vois. Si kuna mdogo, mtoto mdogo huyu anaanza. Il ne connaît même pas la loi, les droits. Ajua hata sheria. Il se met à parler là, tu es le puissant, non, quoi. Mungu, si wewe ndio mwenye nguvu. Il y a quelqu'un qui est en train de menacer mon honneur, ma gloire. Kuna mtu ambaye anashambulia utukufu wangu. Ça fait 40 jours, je ne sais pas ce qui se passe. Et il dit, je viens devant toi. Au nom de l'Éternel, de l'armée que tu as injuriée. C'est-à-dire, il est en train de dire, Dieu, moi je suis en train de parler à quelqu'un qui t'a injurié. Même le président de la République, si vous lui dites, il y avait les gens qui marchaient avec des pancartes. Kuna watu ambao walikuwa wanatembea na vibao. Dans la rue, je giflais quelqu'un. Na njiani nikampika moja kofi. Il peut sourire. Anaweza kutabasamu. Acclame très fort le Seigneur. Shangilia vizuri Bwana. Nous devons entrer dans cet terrain-là. Tunapasa kuingia ndani ya uwanja huo. Où tu entres au stade. Ambapo naingia kwenye uwanja. Seigneur, tous ces gens ils sont ici, ils pouvaient te connaître. Unasema Bwana watu wote ambao wako hapa si wangepaswa kujua. Si tu provoques un miracle, si tu leta tu muujiza hapa au watu wote watakujua. Tu ne viens pas dire à Dieu, oh Dieu, fais de moi un homme de feu. Hakuja kuniambia Mungu nifanye mtu wa moto. Un homme de feu pour faire. Mtu wa moto ili ufanye nini? Pourquoi il y a pas de miracle? Sababu gani hakuna muujiza? Je veux libérer l'onction. Napenda ni achilie upako. Pour ma petite ambition. Kwa ajili ya kujifurahisha mimi mwenyewe. Le soir, je dis aux médias, prenez ceux qui sont tombés là. Na anawaambia media mwangalia watu ambao wote watanguka. Après le culte je balance. Na kisa ibada naweka kwenye Facebook. L'homme de Dieu était en service. Mtumishi wa Mungu alikuwa anatumika. Et le lendemain Dieu dit mm-mm. Na kesho yake Mungu anasema hapana. Combien j'aime. Namna gani napenda. Quand tu descends. Mungu anaposhuka. Et on ne voit même pas ce qu'il a fait. Na waone hata ile aliyoifanya. Il n'y a que celui qui a reçu qui sait qu'il a reçu. Ni ule aliyepokea ndiye anajua kwamba alipokea. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le miracle qui nous donne des noms cesseront. Muujiza ambao zinatupatia jina. Le vrai miracle sera là. Muujiza kweli itafika. Quand le miracle qui nous élève nous les hommes. Muujiza cesseront. La gloire de Dieu sera là. Que la gloire revienne dans la maison de l'Éternel. C'est la maison des miracles. Nyumba ya miujiza. Qui est Baal? Baal ni nani? Baal. Baal. C'est le Dieu. Ni Mungu. Nyungu. De la pluie. Wa mvua. Quand on dit Baal est Dieu, wanaposema Baal ni on est en train de dire c'est Baal qui nous a donné la pluie. Wanasema ni Baal ndiye aliyetupatia mvua. Quand Dieu attend ça, il dit hein? Wanaposikia anasema hein? Qui donne la pluie? On n'a pas Odibal. On a sema Bali. C'est là que Eli va s'ingérer. Il dit moi. Je sais que le Dieu qui donne la pluie. C'est le Jehovah Jireh. Ce n'est pas Bali. Et ça ne sera jamais Bali. Quand il descend. Anaposhuka. Pour dire au roi. Cette année. Mwaka huu. Il y aura ni pluie ni rosée. Akutakuwa mvua ama umande. Il n'est pas en train de faire un miracle pour épater le roi. Il n'est pas en train de vouloir épater Israël. Il est en train de se battre avec une divinité qui s'est approprié la pluie. Il veut dire, moi je sais que c'est mon Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob. C'est celui-là qui donne la pluie. Depuis quand? Tangu siku gani? Baal donne la pluie. Je vais voir Baal à face. Ce qui fait sa gloire, je le récupère. Je prends la pluie, continue à appeler Baal. On verra si c'est lui qui donne la pluie ou si c'est l'Éternel. Dieu est à campagne ce soir des hommes et des femmes qui vont aller s'éternuer devant le gouvernement. Devant la science, devant les coutumes, devant les sociétés, devant les tribus, devant les langues qui vont dire, vous devez savoir que c'est l'Éternel qui est Dieu. Que le miracle que Dieu va produire fasse tomber un démon. Que le miracle que Dieu va faire dans ta vie fasse tomber une forteresse. L'apôtre Paul dit, nous renversons les forteresses. Nous renversons les fausses raisonnements. Je suis en train de déclarer que dans ce tournant, tu es en train d'être équipé pour aller changer les maçons, aller renverser les maçons, aller renverser les fausses trônes, les faux trônes. Quand Élie dit, celui qui répondra par le feu, c'est celui-là qui est Dieu. C'est parce que quelqu'un s'est approprié le feu. Et il veut rétablir Dieu dans sa gloire. Il veut dire, Israël doit savoir, une fois pour toutes, que le propriétaire de la pluie s'appelle Jéhovah. Le propriétaire du feu s'appelle Jéhovah. Pas question de quelqu'un qui va aller se prévaloir être le meilleur. Voilà le combat de la divinité. Il y a des dieux qui se sont levés dans nos familles. Il y a des dieux qui se sont levés dans le domaine de la vie. Il y a des faux dieux qui se sont levés dans la science, dans la médecine. Nous sommes en train de donner nos offrandes. Des dieux sont partout là-bas. Et toi et moi, nous devons combattre jusqu'à ce que l'on sache que c'est l'Éternel le boss de la vie. Voilà la bataille de la divinité. Dieu dit ceci à Moïse. Il dit, Moïse, va au père des signes en Égypte. Les signes que Moïse a opérés n'étaient pas des ambitions. Nous avons longtemps cherché des miracles ambitieux. Nous cherchons des réponses ambitieuses. Aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions prier pour la restauration de sa gloire. Et quand il est sur son trône, nous, nous sommes là, bénis. Tous les miracles, les signes que Moïse a exécutés, c'était des signes qui révélaient Dieu et qui renversaient des divinités. Je donne deux cas. Quand Dieu dit à Moïse, appelle les ténèbres sur les yeux. Pourquoi il y a eu les ténèbres? Ce n'est pas parce que Dieu voulait faire un miracle, mais parce que Pharaon s'appelle fils du dieu soleil. Pharaon était une divinité. Soleil. Et Dieu amène le ténèbre. Notre papa nous a prêché que ces ténèbres étaient palpables. C'est pour dire, toi tu t'appelles soleil, éclaire maintenant. Ce n'est pas des miracles ambitieux pour étonner les gens. C'est pour frapper une divinité. C'est pour faire tomber une divinité. Vous savez, quand je prêche, si les démons n'écoutent pas ma voix, je n'ai rien fait. C'est de la psychologie. Les démons doivent sentir qu'il y a une voix qui est en train de parler. Si tu es béni, ta bénédiction, au-delà d'étonner les gens, doit étonner les démons. C'est là que le fils, les démons disent au fils de Séba. Nous connaissons Paul. Nous le connaissons. J'irai ce que les démons connaissent tes réussites. Toi, ton nom est connu, c'est pas moi, à Doga. Quand on parle de ton nom, on connaît à Doga. Mais est-ce qu'un démon te connaît? Ta réussite doit avoir un son de cloche dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de grands. Beaucoup de grands qui sont grands devant les hommes. Même le plus petit démon ne le connaît pas. Je ne veux pas une grandeur apparente. Je ne veux pas une grandeur attachée à ma voiture. Je ne veux pas une grandeur attachée à cet hôtel. Je veux une grandeur qui est reconnue dans le monde spirituel. Parce que si dans le monde spirituel, je suis reconnu, même loin de Goma, je serai l'homme de Dieu. Parce que c'est le monde spirituel. Malheur à celui-là dont la réussite est attachée à des milieux, à des affinités. Ton élévation, ta réussite doit être connue devant le démon. Quand Moïse dit, il y aura les ténèbres, les idoles, qui sont nous, les dieux soleil. Oh, mimi ni mungu jua. Kinywa na fungwa. Oh non, il est lunga. Pepo nga pinju nanguka sa unalunga. Oh, je me suis marié. Combien de démons sont tombés lorsque tu t'es marié? Oh, nous sommes déjà mariés. Tu as fait quoi? Oh non, il est gari. Oh, j'ai acheté une voiture. Oh non, réunion de famille. Je gari. Zababu tu ya gari. Noah? Tu veux commencer à faire des réunions de famille parce que tu as acheté Noah. Cette famille, on ne réfléchit pas comme ça. On a fait Noah, oh non, tu n'as fait tangazo. Tu as acheté une Noah, on fait une... Un communiqué. Il y a celui qui est à côté de toi. Panda kwanza kidogo. Ambia naye kwa pembeni yako. Monte mpe. Je suis en train de te dire. Niko nakwambia. Que la réussite qu'on nous parle. C'est une réussite que le démon voit et dit oui. Ni mafanikio ambayo mapepo inaona na sema hakika. Exode 12:12. Kutoka 12:12 Mungu anasema. Je frapperai le Egypte. Nitapika Misri. J'exercerai mes jugements sur les divinités. Quand je prêche, je suis en train de parler à des démons qui sont dans les esprits pour dire ce peuple appartient à Dieu. Si les démons n'ont pas écouté ma prédication, les gens sortiront sans être changés. Les gens peuvent être chatouillés. Mais il faut une voix qui traverse l'humain, qui traverse la chair, qui va challenger le monde de l'esprit. Les démons sentent que la saison a changé. La saison a changé. C'est la saison de la victoire. Que tout démon d'échec fuit. Ce n'est pas un problème de crier. Si aussi d'accouler la mica. C'est pas un problème de scier comme je le fais. Si aussi d'ayakuto. C'est un problème d'avoir un mandat spirituel. Si d'ayakuwa na mamlaka ya kiroho. Dieu va te mandater dans ces tournants. Mungu atakupatia mamlaka ndani ya kipindi hiki. Voyez l'homme de Samson. Tutazame Samson. Quand Samson il a eu Delila. Wakati Samson alimpata Delila. On a cru que Delila a remporté sur Samson. Dalila a essayé de coiffer l'homme de Dieu. Na Dalila akamnyoa mtumishi wa Mungu. Et on l'a pris. Na wakamchukua. On a cru qu'on a eu la victoire. Na wakawaza wamepata ushindi. Et malheureusement, c'est Jacques qui était aveugle plus que l'homme à qui ils ont troué les yeux. Lakini wale ni wale watu waliokuwa vipofu kuliko ule mtu aliyemtoboa macho. En fait, Dieu Mungu. Venait de le faire monter la dimension. Alikuwa amempandisha kiwango. Parce que la Bible dit nous ne marchons pas selon la vue, nous marchons selon l'esprit. Sababu Biblia inasema tutembee kufuatana macho lakini kufuatana roho. Samson venait de monter spirituellement. Samson alikuwa amepanda kiroho. Il venait d'entrer dans le monde de la foi. Alikuwa amesaingia ndani ya ulimwengu sasa wa imani. Et ses ennemis vont commencer à célébrer. Na maadui zake wataanza kushangilia. La Bible dit ils organisèrent une grande fête. Biblia inasema kwamba wakatayarisha sherehe kubwa. Là où il y avait tous les princes de Philistins. Mahali ambapo kulikuwa wakubwa wote wa Wafilisti. Samson. Na wakaita Samsoni. pour qu'ils viennent danser. Ili akuja acheze. Savez-vous là où ils ont organisé leur fête? Na mnajua mali walitayarisha sherehe yao? C'est dans les temples de Dagon. Ilikuwa ndani ya hekalu la Dagoni. Les dieux des Philistins. Miungu ya wa Philistini. Quand un peuple a la victoire sur un autre peuple, wakati taifa iko na ushindi juu ya taifa lingine, c'est son dieu qui a la victoire sur les dieux de l'homme. Ni miungu yao ambao iko na ushindi juu ya miungu ya Mungu. On était en train d'adorer Dagon. Walikuwa wakimwabudu Dagon. Parce que on croyait que Dagon, sababu waliamini Dagoni, il est plus fort que le dieu d'Israël. Iko na nguvu kushinda Mungu wa Israeli. Et c'est là que l'homme qui marche dans la foi, na hapo ndipo mtu anayetembea ndani ya imani, entre dans le temple. Anaingia ndani ya hii hekalu. On lui demande de danser. Pour un certain temps, il a dansé. Na kwa wakati moja akaanza kucheza. Mais il dansait en ayant une vision. Lakini alikuwa anacheza akiwa na maono. Attentif à sa mission. Akiwa mwangalifu kwa kazi yake. J'ai une mission. Na kazi. Libérer Israël. Kufungua Israeli. J'ai une mission. Nina kazi. Libérer Israël. Kufungua Israeli. J'ai une mission. Na kazi. Libérer Israël. Kufungua Israeli. Et il est attentif. Na iko mwangalifu. Je ne sais pas quel jour. Na sijui siku gani. Samson savait qu'il y a deux colons. Na Samson alikuwa anajua kwamba kuna mbili. Mais il n'avait plus les yeux. Lakini alikuwa hana tena macho. Est-ce que Samson avait déjà adoré dans ce temple? Na wakati je Samson alikuwa shaabudu na yeye. Mais il connaissait que ce temple. Lakini alikuwa anajua se repose sur deux colons. Na kuwa na kalia nguzo mbili. Il dit au jeune homme. Akamwambia ukijana. C'est moi touché. Wendo kanigusishe ile nguzo mbili. Les ennemis étaient dans les caisses. Na hawa wadu walikuwa wanacheza rumba. Oh Israel. Wanacheza wakisema Israel. Nous avons la victoire. Tuna ushindi. Tulishafunga mariage yake. Nous avions bloqué son mariage. Tulishafunga kazi yake. Nous avions bloqué son travail. L'homme de Dieu, il a une mission. Il est attentif. Il est attentif. Il est attentif. Il est lucide. Je n'ai pas le Dieu. Mais je connais ma mission. Je n'ai pas l'argent. Mais je connais bien ma mission. Je n'ai pas les relations. Mais je connais ma mission. Je n'ai pas tout. Sina yote. Mais je connais ma mission. Lakini najua kazi yangu. Connais ta mission. Jua kazi yako. Et la provision viendra. Na akiba itakuja. Connais ta mission. Jua kazi yako. Sois lucide. Na uwe makini. Il a vu le petit. Naka. Fais-moi toucher les deux colons. Akambia ule kijana nigusishe le nguzo mbili. Les gens, je crois il a fait feinte. Na waza aliwachenga kidogo. Et puis quand ils sont en train d'acclamer, dit fais-moi toucher. Na wanaposhangilia, anasema nigusishe tu, nigusishe. Subitement, na hapo hapo, l'homme d'Aser, huyu mtu wa Aser, change la face. Anabadilisha uso wake. Seigneur, Bwana, je me rappelle. Nakumbuka. Le géant qui est né. Ule titu aliyezaliwa. Ma mère ne pouvait pas boire de l'alcool. Mama yangu hangepaswa kunywa pombe. Parce que je devais racheter le peuple. Sababu ningepaswa komboa taifa. Le roi est ici. Na mfalme ni hapa. Le commandant de l'armée des Philistins est ici. Mkubwa wa jeshi wa Filistini. Les ministres sont ici. Mawaziri wako mali hapa. Je peux finir une fois pour. Naweza kuwamaliza wote kwa mara moja. Donne-moi la force. Nipe nguvu. Une fois seulement. Na mara moja tu. Que je me venge. Yani nikalipize kisasi. Que mes ennemis. Wadui zangu. Nyumba yote kabomoka. Ce qui dansait. Waliokuwa wakicheza. Qu'est-ce qui est tombé? Nini manguka? Le temple. Hekalo. Il vient de faire tomber le temple. Ameangusha hekalo. Pas un homme. Apana mwanadamu. Jusqu'à ce que ta bataille renverse tes divinités. Mpaka wakati vita vyako vitapindua miungu. Jusqu'à ce que ta réussite mpaka renverse tes divinités. Itapindua miungu. Ah, que Dieu nous donne de ne pas étonner les gens de Goma. Nous allons étonner les principautés, les autorités, les esprits méchants qui ont régné sur la raison. Dans le nom de Jésus, nous n'avons pas besoin de pâter un homme. Nous n'avons pas besoin de pâter les gens. Nous voulons faire face aux esprits, car la Bible déclare, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous combattons contre les principautés. les esprits méchants, les princes, dans le nom de Jésus, reçois la victoire sur les esprits de ta famille, reçois la victoire sur les esprits de ta famille, dans le nom de Jésus, que le temple des divinités tombe dans l'entreprise, malgré ton maigre salaire, le chef te craindra parce qu'ils te verront dans l'esprit. Dans l'esprit, je te vois trembler, je te vois faire trembler, non pas les hommes, mais les esprits qui règnent dans le sang. Pareil quand dans la brosse, si tu dois prêcher et que les gens tombe même avant que tu parles. C'est parce que l'esprit qui est en eux a vu l'esprit qui est en toi. Ce n'est pas un problème de parler, c'est un problème de l'esprit. Monte, monte mon frère, quitte la chair, entre dans la bataille de Dieu. Il y a deux régions que le diable a pris à charge. Il y a des vallées. Le diable a donné son nom à ces vallées. Mais tu es la seule personne qui va te lever et qui dira: la vallée ici appartient à l'Éternel. Va dans la vallée des ossements. Je dis à quelqu'un: va dans la vallée des ossements. Le diable a tué des vaillants là-bas. Il a tué des héros. Toi, tu dois rétablir. Commence à prophétiser. Tu dis: la vallée ici, ce n'est pas la vallée de la mort. Il y a la vallée des héros. Et les ossements recevront la vie. Les ossements seront une grande armée. Je vois quelqu'un entrer dans la vallée pour déclarer la gloire de Dieu. Là où on a vu la mort, toi tu vas rétablir la vie. Dieu, il est Dieu. Il veut que quelqu'un donne un nom à la vallée de l'ombre et de la mort. Car toi, tu vas entrer dans cette vallée. Ça va changer de nom. Ça ne sera plus la vallée de l'ombre et de la mort. Ça sera la vallée de la vie. Car l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il te conduit dans le vert pâturage. Il te dirige près de son paisible. À cause de son nom, qu'à toi qui es ici, qu'à toi à soi tu es là, qu'à tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, le nom de la vallée change, le nom de la vallée change, ça devient la vallée de la vie. Quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, oh, je ne crée aucun mal, car avec moi, là où l'être ton bâton, mais rassure, tu oindis ma tête et ma coupe de bord. Le Seigneur ouvre la tête de quelqu'un pour aller changer une vallée. Tu vas changer le nom d'une vallée. Heureux ceux qui se confient à l'Éternel, car ils trouvent des chemins tracés dans leur cœur. Quand ils pénètrent la vallée des Bacchans, ils transforment la vallée en source d'eau vive. Je vois des assois qui vont avoir des projets, qui vont aller dans le monde. Oh, j'ai aimé la prophétie du pasteur. Il y aura des gens qui vont découvrir les cancers. Le cancer n'amènera plus à la mort, parce qu'un enfant, il a eu la réussite pour humilier le cancer, humilier cette divinité. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Tu dois changer quelque chose. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Quelqu'un dit au Seigneur: je dois changer quelque chose. Je dois changer quelque chose. On a beaucoup parlé. Je dois changer la destinée de ma famille. Je dois changer l'image de ma famille. Ce n'est pas un problème. Oh, les démons vont tomber. Les forteresses tombent. Je ne veux pas étonner les gens. Je veux étonner les démons. Je ne veux pas étonner quelqu'un. Je veux étonner les démons. Je n'ai pas à me battre avec quelqu'un. Je dois renverser les principautés, les autorités, les esprits méchants dans le lieu céleste. Bakara papere reposi. Rinda la gloria kababa shaya baboshe. Parianda la gloria kababa ya. Inda baba raba yara kaba baraya. Renda la boyondo lo bobosha. Borianda la rababashaya. Kererenda la boshe ya bobosha. Pere kasitara mama santalala. Rika mama mama mama mama mama. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne, Jéhovah. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Retrouve ton trône dans nos vies. Retrouve ton trône dans nos entreprises. Retrouve ton trône dans nos entreprises. Retrouve ton trône dans nos familles. Bakara pasheta. Rika mama mama mama mama mama mama. Roga ya galara baba shigabosh. Rianda la barababa. Rema mama na yanda la barabobosh. Roka yanda la rababa shigala babaraya. Rima mama mara yanda la raya baba robobobobobobo. Voici, je vais faire quelque chose sur le point d'arriver. Ne les connaissez-vous pas? Je tracerai le chemin dans le désert. Je tracerai le chemin dans le désert. Et l'on saura que le désert n'appartient pas au diable. Je suis l'Éternel qui règne sur le désert. Paré candele rebauche. Parara ture ra yanda la bashaya. Gozi ga ya ga mama rente le boboshe. Lève-toi sur tes deux pieds. Simama kwenye miguu yako. Lève tes mains en haut. Na nyosha mikono yako juu. Nous voulons élever le trône de Dieu. Na tunatafuta kuinua hii kiti ya enzi ya Bwana. Tunasema Bwana. Que ton règne vienne. Ufalme wako uje. Sois calme. Uwe kimya. Laisse ton cœur. Na acha moyo wako. Élève Dieu. Yende kamuinue Mungu. Quand Dieu. Wakati Mungu. Règne sur notre cœur. Anatawala ndani ya mioyo yetu. Notre corps obéit. Na mwili wetu. Les démons obéissent. Unabarikiwa na mapepo zinati. Lève ta main. Nyosha mikono yako. Et dans ton cœur. Na ndani ya moyo wako. Dis Seigneur sois Dieu. Sema Bwana uwe Mungu. Que ma vie sanctifie ton nom. Na maisha yangu yende yakatakuze jina lako. Que toute semence. Na kila mbegu. Qui n'a pas été semée par le Père. Ambayo haikupandwa na Baba. Voie Dieu régner. Yende kaone Mungu akitawala. Que le feu de Dieu. Na moto wa Mungu. Parara kotaraya. Shigababa royantala. Toto ne te. Ton trône est éternel. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ton trône est éternel. Chantons ton trône. Ton trône. Don't know. I'm not